J'écrivis de Lausanne à mon père, qui m'envoya mon paquet et me marqua d'excellentes choses dont j'aurais dû mieux profiter. J'ai déjà noté des moments de délires inconcevables où je n'étais plus moi-même. En voici encore un des plus marqués. Pour comprendre à quel point la tête me tournait alors, à quel point je m'étais pour ainsi dire venturisé, il ne faut que voir combien tout à la fois j'accumulais d'extravagances. Me voilà maître à chanter sans savoir déchiffrer un air. Car, quand les 6 mois que j'avais passés avec le maître m'auraient profité, jamais il n'aurait pu suffire. Mais, outre cela, j'apprenais d'en maître. Ça n'était assez pour apprendre mal. Parisien de Genève et catholique en pays protestant, je crus devoir changer mon nom ainsi que ma religion et ma patrie. Je m'approchais toujours de mon grand modèle autant qu'il m'était possible. Il s'était appelé Venture de Villeneuve. Moi, je fis l'anagramme du nom de Rousseau dans celui de Vossort, et je m'appelais Vossort de Villeneuve. Venture savait la composition, quoiqu'il n'en eût rien dit. Moi, sans la savoir, je m'en vantais à tout le monde, et sans pouvoir noter le moindre vaudeville, je me donnais pour compositeur. Ce n'est pas tout. Ayant été présenté à M. de Trétorens, professeur en droit, qui aimait la musique et faisait des concerts chez lui, je voulus lui donner un échantillon de mon talent et je me mis à composer une pièce pour son concert, aussi effrontément que si j'avais su comment m'y prendre. J'eus la constance de travailler pendant 15 jours à ce bel ouvrage, de le mettre net, d'en tirer les parties et de les distribuer avec autant d'assurance que si c'eût été un chef-d'œuvre d'harmonie. Enfin, ce qu'on aura peine à croire, et qui est très vrai, pour couronner dignement cette sublime production, je mis à la fin un joli menuet qui courait les rues et que tout le monde se rappelle peut-être encore sur ces paroles jadis si connues. Quel caprice, quelle injustice, quoi, ta Clarisse trahirait tes feux, etc. Venture m'avait appris cet air avec la basse sur d'autres paroles infâmes, à l'aide desquelles je l'avais retenu. Je mis donc à la fin de ma composition ce menuet et sa basse en supprimant les paroles. Et je le donnais pour être de moi, tout aussi résolument que si j'avais parlé à des habitants de la Lune.